Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette définition de la situation, elle porte sur les causes, finalement, de potentiel de souffrance ou de difficulté, mais aussi sur la définition même de cette souffrance, cette difficulté. Là encore, toujours sur les infirmières et les policiers. Pour les policiers, on l'a vu, le stress est quelque chose de finalement assez exceptionnel. Ça ne touche que certains individus dans les situations les plus graves, les situations en général de double échec. Un échec du collectif de travail qui n'a pas su anticiper à temps les problèmes, et un échec de l'individu qui, bien souvent, est présenté comme n'ayant rien à faire dans la police, ou en tout cas rien à faire sur la voie publique. En effet, il y a chez les policiers que j'ai rencontrés une préférence très forte pour la résolution en amont des problèmes. Dès lors qu'une difficulté surgit dans le cours quotidien de l'activité, les policiers ont plutôt tendance, notamment des brigades où il y a une bonne entente et où on se parle, à essayer de régler entre eux le problème, entre eux, c'est-à-dire entre collègues de même niveau, voire avec le chef de brigade, mais pas au-delà, de façon à éviter que un problème ne soit une source de stress potentiel à moyen terme. Donc, sur une intervention qui ne s'est pas très bien passée, ils en reparlent, ils font une sorte de débriefing, qu'ils appellent parfois des remakes entre eux. Quand ils ont le sentiment qu'un tel n'est pas performant dans telle tâche, par exemple, un tel n'est pas bon à conduire parce qu'on n'est pas rassuré quand il est au volant, ou qu'un tel n'est pas bon à parler avec des jeunes parce qu'on a le sentiment qu'il met plus de l'huile sur le feu plutôt que d'essayer de calmer la situation. Les policiers en parlent relativement ouvertement, alors parfois en utilisant l'humour pour euphémiser les critiques et éviter que le collègue le prenne trop mal. Mais quand on compare les discussions entre collègues que peuvent avoir les policiers avec des discussions entre infirmières ou entre assistantes sociales, par exemple, on voit à quel point il est beaucoup plus facile ou fréquent chez les policiers d'oser dire ce qui ne va pas chez le collègue, même si on le dit avec diplomatie, que ce n'est le cas chez les infirmières ou chez les assistantes sociales qui ont tendance, dès lors qu'il y a une critique, à le prendre beaucoup plus mal comme une attaque personnelle. Et du coup, il y a une sorte de protection collective qui est plutôt que de régler les problèmes en amont, c'est de ne pas parler des problèmes. Il y a des travaux qui ont été menés sur les travailleurs sociaux notamment qui montrent comment ne pas critiquer, ne pas mettre de jugement, ne pas donner d'avis sur le travail de son collègue est une façon de faire face à un métier où on est toujours ou très souvent confronté à des échecs, des problèmes insolubles et des situations qui dépassent la capacité d'action des travailleurs sociaux. Alors, pour essayer de résumer tout ça, je propose aussi assez régulièrement un petit schéma qui n'est pas très très beau. Je fasse un stage PowerPoint pour le rendre un peu plus joli. Dans mon schéma, il y a l'organisation du travail, les conditions de travail, l'environnement qui vont déterminer, bien entendu, les situations de travail. Et ces situations de travail, et là on retrouve ça dans la plupart des modèles d'analyse des risques psychosociaux, vont déterminer la façon dont le travail est perçu, vécu, envisagé par les personnes. Simplement, les définitions, on l'a vu, en tout cas celles auxquelles je m'intéresse le plus, sont des définitions, on peut dire, collectives, intersubjectives, propres à un milieu particulier. Donc, je parlerai rapidement de définitions intersubjectives qui, on l'a vu, vont ou peuvent déboucher sur la mise en forme collective de plaintes, donc que ce soit sous la forme de revendications. Chez les policiers, souvent les plaintes vont être émises plutôt sous la forme de revendications. Il s'agit de dire que leur travail n'est pas pris en compte par les juges, les avocats, par les hommes politiques, que les moyens dont ils disposent ne sont pas à la hauteur. Quand j'ai fait mes enquêtes, c'était j'ai commencé mes enquêtes quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, il avait beaucoup promis aux policiers et ils avaient peu reçu par rapport à ses promesses. Et tout s'était focalisé sur un certain nombre de choses, notamment sur le gilet pare-balles. Il y avait des nouveaux gilets pare-balles plus légers et plus efficaces qui avaient été promis et qui n'étaient pas distribués. Et donc une des grandes plaintes récurrentes, c'était sur le gilet pare-balles. Maintenant, la plainte, ça peut être aussi une mise en forme pathologique, une forme d'entité pathologique. Le stress, le burn-out. Donc on a la mise en forme de l'expérience de la plainte. Alors, ça c'est un schéma qui est finalement relativement classique. Ce qu'on a vu dans les exemples précédents, c'est que les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. On n'a pas affaire à une approche strictement causaliste, puisqu'on a un certain nombre d'interactions qui vont apparaître, notamment entre l'organisation du travail et le type de définition de la situation. Alors, j'ai évoqué les policiers et les infirmières, je vais dire quelques mots. J'ai travaillé un peu aussi sur les machinistes receveurs à la RATP, où leur situation de travail et de plus en plus avec la réorganisation des centres-bus est une situation d'isolement où ils n'ont pas, et de moins en moins, et plus du tout de collègues avec qui ils sont en interaction pour échanger au fil de l'eau sur leur activité. Et la question des agressions et du stress lié aux agressions de conducteurs de bus, qui est apparue dans les années, fin des années 80, début des années 90, en tout cas à la RATP, est arrivée en même temps que l'on avait une situation où les conducteurs étaient de plus en plus isolés et seuls dans leur bus. Ce qui fait que dans un premier temps, la régie a essayé de développer une approche, on peut dire, de type cognitivo-comportemental, en disant que seuls les mauvais machinistes se faisaient agresser. Et que si on apprenait les techniques relationnelles et comportementales des bons machinistes, on arriverait à réduire le nombre d'agressions, donc le stress. C'est une approche qui a peu satisfait à la fois les syndicats, mais aussi un certain nombre de psychologues qui travaillaient depuis longtemps auprès de la RATP. Et une autre définition, finalement, s'est fait jour, une forme de compromis social au sein de la régie pour aller très très vite. Entre les syndicats et les psychologues et la direction, autour de l'idée finalement que le stress était essentiellement une responsabilité collective, responsabilité de la régie. C'est intéressant que dans les compagnies de transport public de province, sur lesquelles des collègues ont travaillé, on retrouve le même genre d'évolution à peu près aux mêmes époques. Donc on voit comment l'organisation, l'environnement joue. Et le stress pour les machinistes, ce n'est pas le stress pour les policiers, qui est une chose exceptionnelle, ce n'est pas le stress des infirmières, qui est un stress plus banal, mais c'est un stress vu comme la conséquence de choix de politique tarifaire, une conséquence des lignes, une conséquence de la gestion des ressources humaines par la RATP. Donc une approche, là encore, relativement différente, et ce qui permet de parler de stress sans forcément se sentir fragilisé, comme pourraient l'être les policiers que j'ai évoqués très rapidement. Donc, la flèche définition des objectifs organisationnels va dans les deux sens, puisque dès lors que le collectif s'empare d'un problème, il peut aussi changer les conditions de travail et l'organisation. J'ai une collègue qui a travaillé sur des compagnies de province et qui a montré comment un certain nombre de revendications ont pu être portées sur l'aménagement de couloirs de bus, sur le fait d'enlever l'affichage des horaires des bus dans les abris bus, parce que ça créait des conflits réguliers avec les passagers qui voyaient le bus arriver en retard par rapport à ces horaires. Donc il y a aussi des possibilités de changer en retour. De la même façon, la mise en forme ou la construction sociale de l'expérience ou de la plainte, elle dépend aussi, comme on le voit dans cette deuxième flèche, de l'organisation, du fonctionnement collectif ou de l'environnement de travail. Le fait que les infirmières soient, pour différentes raisons, du genre dominant de cette profession, du fait de la proximité avec le savoir psychologique, plus ouvert peut-être que dans d'autres métiers à une mise en forme psychologique, pardon, de leurs difficultés, explique, entre autres, comment les notions telles que le stress ou le burn-out ont été aussi massivement reprises à leur compte par les infirmières elles-mêmes, beaucoup plus que dans d'autres milieux. Il y a eu des travaux sur le burn-out policier, mais la quasi-totalité des policiers que j'ai interrogés ne connaissaient pas cette notion de burn-out, alors que toutes les infirmières quasiment la connaissaient. Donc on se retrouve avec des effets de boucle que j'ai évoqués tout à l'heure, puisque la mise en forme va aussi avoir un impact sur la perception intersubjective. Le fait de vivre une difficulté sous l'étiquette de burn-out, qui renvoie à des difficultés relationnelles, de bonne distance, pas trop d'engagement, mais pas trop de distanciation par rapport au malade, pour s'épanouir comme professionnel, mais en même temps ne pas s'épuiser à aider indéfiniment l'autre. Tout ça, évidemment, va structurer en grande partie la façon dont les soignants eux-mêmes vont se représenter leurs difficultés, voire peut conduire à minorer des aspects plus organisationnels. L'entretien d'infirmière, il y a deux thèmes qui ressortent très fortement, c'est le manque d'effectifs, pour aller à l'essentiel, et la difficulté de la relation au malade. Bien entendu, le burn-out, mais ou la théorie du burn-out, met essentiellement l'accent sur le deuxième point et a tendance à minorer, Et en termes de choix politiques et de gestion des problèmes hospitaliers, de gestion des ressources humaines à l'hôpital, peut avoir pour effet de minorer finalement le premier type d'explication.